Section 94 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 94. La princesse Lilith, par Jules Lemaître. Chapitre 2. La princesse Lilith, fille du roi Hérode, couchée sur un lit de pourpre, songeait, tandis que la négresse Noun balançait sur son front un éventail de plumes et que son chat Astaroth dormait à ses pieds. La princesse Lilith avait 15 ans. Ses yeux étaient profonds comme une eau de citerne et sa bouche pareille à une fleur d'hibiscus. Elle songeait à sa mère, la reine Marianne, morte quand Lilith était toute petite encore. Elle ne savait point que son père l'avait tuée par jalousie, mais elle savait qu'il conservait, au fond d'une chambre secrète, le corps de la reine embaumé dans du miel et des aromates, et qu'il la pleurait encore. Elle songeait à son père, le roi Hérode, si sombre et toujours malade. Quelquefois, il s'enfermait dans sa chambre, et là, on l'entendait pousser des cris. C'est qu'il croyait revoir ceux qu'il avait fait mourir, son beau-frère Costobar, sa femme Marianne, ses fils Aristobule et Alexandre, frères de Lilith, sa belle-mère Alexandra, son fils Antipater, le docteur de la loi Baba Ben Bouta et beaucoup d'autres. Et bien que Lilith ignorât ces choses, son père lui inspirait une grande terreur. Elle songeait au Messie, attendu des Juifs, et dont lui avait souvent parlé sa nourrice Égla, morte à présent. Et quoique le Messie dût être roi à la place d'Hérode, elle se disait qu'elle voudrait pourtant bien le voir, car la très lointaine de cet événement merveilleux la détournait de chercher comment il pourrait s'accomplir. Elle songeait enfin au petit Osaël, le fils de sa sœur de lait Zébouda, qui demeurait à Bethléem. Osaël était un petit garçon d'un an, qui riait et commençait à parler. Lilith l'aimait tendrement, et presque tous les jours, faisant atteler ses mules au chariot de cèdre, elle allait, avec la négresse Noun, visiter le petit Osaël. Lilith songeait à tout cela, et qu'elle était bien seule au monde, et que, sans le petit Osaël, elle se serait beaucoup ennuyée. Fin de la section 94.